Bonsoir petits et grands, vous voilà de retour dans la machine à son. Eh oui, vous nous manquiez. Eh oui, parce que cette émission n'existerait pas sans vous. Alors certes aussi sans nous, mais surtout sans vous. Donc voilà. Je sais qu'il y en a plein qui se sont inquiétés, mais que se passe-t-il? Ont-ils démissionné? Enfin bref. Vous êtes inventé plein d'histoires, ben non, nous sommes toujours là, le professeur et moi, c'est juste que le professeur est rentré dans une espèce de chose pour l'année qu'il appelle la sobriété. Donc il est devenu sobre. Oui, bon, ok, c'est très bien en fait, hein. Il m'a dit que c'était vraiment le truc qu'il fallait faire en ce moment, il faut être sobre. Donc il est sobre, alors ça fait qu'il m'a dit, bon, on va faire peu d'émissions, hein. Soyons sobres, économisons l'énergie vitale, etc. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, justement, on vous donne beaucoup d'énergie vitale. Et oui, c'est pour ça que vous écoutez tout le temps en transe. Et ben voilà. Mais bon, c'est un gros discours qu'on a eu pendant tout le mois de janvier avec le professeur. Bon, mais j'ai quand même réussi à le faire revenir. Alors revenir, vu qu'il est sobre, il est à pince. Donc il a mis du temps. Voilà. Et en plus, vu qu'il est sobre, il m'a dit j'achète plus de disques et tout. Je fais tous ces trucs. Du coup, tu te débrouilles avec ça. Et puis il m'a donné pas grand chose. Donc bon. Écoutez, hein, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc sinon, à part ça, voilà, j'espère que pour vous, l'année a aussi bien commencé que pour nous. Mais bon, mis à part ces trucs de sobriété, bon, c'est vrai, Dry January, ouais, c'est peut-être ça qui va... Mais enfin, bref, hein, vous savez, les arcanes du professeur sont impénétrables, heureusement. Bref, ça m'a coupé la chic, je ne sais plus où j'en étais. Il n'y a rien qui est écrit, c'est ça qui est le problème. Hein. C'est que le professeur ne veut pas qu'on écrive. Et oui, c'est aussi, ça fait partie de ses tocs. Donc en fait, voilà, je suis un peu obligé de meubler de temps en temps quand j'oublie le truc que j'étais censé vous dire qui était fantastique. Et après, il me fait les gros yeux, il me regarde derrière la glace là. Heureusement que je ne suis pas seul ici. Mais quoi que si, en fait, parce qu'il n'y a que lui. Voilà le problème. Bon, bah ceci dit, on va commencer à la machine à son. Alors, au niveau de ce qui m'a amené, bon, je vais pas vous donner les noms maintenant, hein, mais bon, vous allez voir, c'est assez classique avec des petits trucs intéressants par-ci par-là. Mais voilà, c'est histoire de redémarrer tout doucement l'année. Ah si, par contre, l'année commence bien puisque vous allez pouvoir écouter un tout petit peu d'Italo Disco. Eh oui, le professeur est tombé en transe de la voix de cette charmante, allez je l'annonce pour une fois avant, Sandra Mondaini, je sais pas comment on dit en italien, enfin bref, Sandra Mondaini. Et pourquoi? Parce qu'elle cherche un homme, et toujours le même truc. Cerco un uomo e lo cerco non per tutta la vita. Cerco un uomo per sentirmi capita, anche solo per un'ora da lui. Cerco un uomo che mi faccia sognare. Cerco un uomo che mi faccia sentire finalmente una donna per lui. Qualcuno di noi. l'uomo non è un tipo qualunque. Cerco l'uomo che da sempre ho sognato. Cerco l'uomo che da sempre ho aspettato. Guarda, guarda, forse è nascosto tra noi. Cerca, cerca, forse qualcuno di noi. No, no, no. No, no, no, no, no. Il mio uomo non si trova dovunque. Il mio uomo non è un tipo qualunque. Cerco un uomo che sia un uomo davvero, pronto a darmi quel momento più vero. Rassurez-vous, vous êtes toujours sur la machine, dans la machine à son. Et poi passare una sera con lui. E poi magari mille notti. Si trova dovunque. Il mio uomo non è un tipo qualunque. Cerco un uomo che da sempre ho sognato. Cerco l'uomo che da sempre ho aspettato. Cerco un uomo che sia un uomo davvero, pronto a darmi quel momento più vero. Noi no! Sto a mi pobre, si se cogio a mi vieja. Allez, c'est parti, professeur. Yeah. vous avez eu peur quand même, hein. Vous êtes dit ça y est, ils ont fait des trucs chelous pendant le premier de l'an, ils ont bouffé des trucs végétaux bizarres, et puis maintenant ça y est, ils sont partis dans l'italo-disco, mais non, rassurez-vous, c'était juste que quand même, avouez-le, il y a des moments pénibles, je vous l'accorde, mais quand même, elle a une jolie voix, quoi, hein. C'est, on peut pas le dire de tout le monde, de tout le monde, c'est vrai. Allez, mettez vos costumes lumineux, nous partons faire un petit voyage dans la grotte rouge. Il fait froid. Around your shoulders. Les rêves inachevés, notre villa, lumière dans l'escalier, du soleil dans le grenier, protégé par la poussière des verrières, le chat sous assis, les griffes sur le reflet de ton rêve. Notre villa, des rêves inachevés dans le grenier, du lierre dans l'escalier, protégé par la poussière des verrières, le soleil, entre les griffes du chat qui dort, le reflet de ton rire mouillé. Des queues de comètes dans tes cheveux, des anneaux de Saturne à chaque doigt, des larmes qui sont comme autant de Nova. Le soleil dans le grenier, les chats dans l'escalier, sous assis, leurs griffes entre lesquelles il faut passer. En haut au grenier, ton sourire mouillé, ta lèvre qui se soulève lentement, d'alignement, sur la prunelle de tes dents. Toi et moi assis là, dans l'herbe, du palmier, attends, Dieu sait quoi, à fumer les lames du parquet. Toi et moi, assis là, même le parquet, au palmier, attendre Dieu sait quoi, à fumer la fleur qui fait des fleurs au cerveau. Petit nuage dans l'escalier, un visage dans le grenier. Les chats qui ne laisseront jamais passer. Les chats qui ne laisseront jamais passer. Les chats qui ne laisseront jamais passer. Les queues de comètes mouillées dans tes cheveux. Des larmes qui sont comme autant de Nova. Entre les lames du parquet, les anneaux de Saturne qui roulent de ton doigt. Mais tu ne peux plus le retirer, les anneaux, je veux dire. Le doigt, je veux dire moi. Open, which means no porn mags. I've got nothing at home, so I'll go Asda. I'm gonna have to buy FHM or something, loaded or nuts, full of tits. Tits everywhere. Everywhere you look, tits. Fucking tits in the sky. Big yellow tits. Beating down on me. I've got a fucking tit tan, man. Scotland Yard, mate. You got no chance. Every time I come in here, you shave another 20p off the purchase, don't you? That is stupid, mate. It's cool, though. I'm keeping calm. In another 2 to 3 weeks, I'm gonna walk in this fucking shithole and take 4 cans of Grolsch straight off the shelf and walk out. You owe me £4, blood. And if you try and do anything about that, I will kick your fucking face in. I'm nicking drinks off Vin Diesel and all his fucking crew. He likes to dance to Valerie, he hasn't got a clue. No more ecstasy. No more ecstasy. What don't you want me? Oh, what don't you want me? Oh, is it funny? Ah, they never talk about it. Been to San Francisco, but I believe a thing has happened there. All them things I'm hearing about San Francisco, and all them children with flowers in their hair. Seem like everybody has got a new bag. Some of them children seem to have something to see. Wearing beads and all kinds of funky clothes. And there's that thing he had in Monterey. Was a thing. So Francisco. So Francisco. So Francisco. Some of the people are wondering what it's all about. Don't seem to be nobody that really knows. But from the way that all them children are doing, could it be that some of them's got a little more soul? Soul, Francisco. Soul, Francisco. Je vous vois d'ici, bien allongé, dans votre bain, dans votre lit. Ah, vous avez vraiment de la chance quand même. bien... Hop là, excusez-moi, je voulais vous faire un truc façon professionnelle, que de la merde. Of all the things you'll do and say. bise, cette petite bise, cette petite bise, cette petite bise, cette petite bise, cette petite bise, c'est hypocrite. Final business. Wow, stuff and buy. Wow, anti-haut de castor. Wow, pour les valises. Ouais, wow, je tombe les nez. Ah ouais, wow, wow, wow, wow, wow, wow, les deux, wow, je tombe les nez. Ah ouais, wow, wow, wow, les deux, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, les deux, wow, wow, je tombe les nez. Laisse la bonne attendre, qu'est-ce qu'il est beau, il est blanc, c'est ça, ouais. Quand je tombe les nez, fouet de la tringue, fume ton jouet. Ah ouais, wow, les deux, wow, les deux. Attends, sacrément, c'est long. Attends, c'est long, t'en penses. Attends, c'est long, un robinou. Attends, qu'est-ce t'en penses, robinou, tu trouves pas ça long? Hein, Maurice, Maurice Richard, 100 ans, ça baisse, ça c'est long, hein? Pensionniste. C'est qui, qu'est-ce t'en penses? 100 ans, t'es dans, t'es dans, t'es dans, t'es dans, t'es dans. Oui, Philippe, qu'est-ce qu'on pense? 100 ans, attends pas jouer, hein? Avec nous autres, un petit rire. Hein? Un petit rire avec nous autres, non? Essaye donc, mon enfant. Et l'engoulevent plier doucement, qui ne fait plus son tannant, avec l'aile doucement repliée, sans testament, et se mirant dans l'or des lunes de mon épi. Tout bruyant du sang de l'engoulevent. Hey! Quatrième exercice. Station écartée. Pied parallèle ou légèrement convergent. Fléchissez la jambe droite, la gauche restant tendue et le buste droit. Revenez en position, puis fléchissez la jambe gauche de même façon. En position. Fléchissez jambe droite. Insistez, la gauche reste tendue. Bien, revenez. Fléchissez jambe gauche. Insistez, la droite reste tendue. Bien, revenez. Fléchissez jambe droite. Insistez. 1, 2, 3, 4, revenez. Fléchissez jambe gauche. Insistez. 1, 2, 3, 4, revenez. C'est ça. Même mouvement, mais avec rotation du buste vers la jambe tendue. En position. Fléchissez droite. Tendez le buste à gauche. Insistez. Revenez. Fléchissez de la jambe gauche. Buste droite. Insistez. Revenez. Fléchissez la droite. Buste vers la gauche. Bien. Revenez. Fléchissez gauche. Buste vers droite. Insistez. Revenez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. C'est ça, venez. Pas s'y tromper, vous êtes bien dans la machine à son. Yeah. Et pourquoi, me direz-vous, pourquoi ? Ben pourquoi pas, dirait le vieil indien en dansant. Hey, let's do the jokey dance. Dance so wild and gimbo man. I take three steps forward and bow your head. Dance until your face turns red. Grab your girl and spin around. I take three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, I dance all around to this crazy beat. I take three steps forward and bow your head. By this time your face is red. Grab your girl and spin around. I take three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, I dance all around to this crazy beat. Let's do the Cherokee dance. Let's get ready to go, man. I take three steps forward and rub her head. Tell her she's nice, don't be afraid. Grab her can and spin her around. I take three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, dance all around to this crazy beat. I take three steps forward and bow your head. Tell her she's nice, don't be afraid. Grab her girl and spin around. I take three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, kiss your babe on this last beat. Incroyable ce professeur, incroyable, incroyable, incroyable. Et oui, des fois comme ça, il me ramène des pépites, il m'espante. Enfin, c'est ça, toujours avoir des surprises dans le couple, c'est ça qui est bon. Là. Yeah. Alors, je sens que je vous ai un petit peu endormi sur le final. Hein? Bah, c'est pour mieux vous réveiller. Voy a coser tus venas con mi nombre. Va a hacer morcilla con lo que me sobre. Voy a hacer contigo una escalivada. Para que luego me llames perturbada. Voy a coser tus venas con mi nombre. Va a hacer picadillo en la Sierra Norte. Voy a hacer contigo una ensaimada. Para que luego me llames trastornada. Hop là, nous étions en train de danser avec le professeur, donc désolé. Et ça devait pas continuer comme ça, mais c'est pas grave, tout peut s'arranger. Il y a des gonzesses de toutes les sortes, des choix pour tous les connaisseurs. J'ai l'anatomie qui rapporte. J'ai plus besoin d'avoir du cœur. J'ai fait mes classes à bonne école. Ces messieurs n'y résistent pas. D'ailleurs j'ai les fesses qui rigolent. Et vous n'en verrez pas d'état. Le soir quand je retire mon linge, en mesure sous les projecteurs, pour congestionner les vieux singes, faire transpirer les noceurs. Faut voir comment eh oui. Ah, vous êtes vert, hein. Vous ne s'entendrez pas à la fin de la chanson. Eh oui, parce que j'ai quelques conneries à vous raconter, rappelez-vous. Et eh oui, toute bonne chose a une fin. Son petit effet. Donc ce soir, vous avez écouté Claude Vanesco dans Barbara Strip. Et alors, tout au mélangé, hein, comme d'hab, Electric Lazarus, Danny and the Darlings, pardon, Las Renes de Arroyo Culebro. Pas, c'est pas japonais, mais c'est censé être espagnol. Qui passe la semaine prochaine, vendredi 17 à Montpellier. Sleaford Mods. Fantastique, fantastique, fantastique. The Newmans, Sandra Mondaini, Cherco Nomo au début. Putain, ça y est, c'est presque l'heure. Oh là là. Sinon, vous avez écouté aussi un mec fantastique, la Froggy, je sais plus quoi. Juste, je vous dis son nom à lui. Après, j'arrête. Bob Froggy Landers. Et puis sinon, Charles Bois, les Dogs, quoi d'autre ah si, putain, Silly Walks. Oh là là, je crains. Enfin bref. Que des bonnes choses. Allez, il est temps que je vous laisse, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Yeah. rassurez-vous, la nuit continue sur Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.